Tu veux voir ton horoscope ? Bélier, pensez à votre santé. Alors, tu y penses de temps en temps ? Non. Franchement, quand je ne suis pas malade, je n'y pense pas du tout. Parlez de vos soucis. Tu veux en parler ? Mon seul souci, c'est l'amour. Le mariage, je crois que ce n'est pas pour demain. Oh, tu sais, le mariage, c'est comme le périphérique. Tous ceux qui sont dehors veulent y entrer et tous ceux qui sont dedans veulent en sortir.